On va parler de hockey avec c'est la chronique de la Ligue JMS avec Pierre-Luc Martin. On rappelle que cette chronique est une commandite de Identification Sport. Donc pour tous vos travaux ou encore vos sacs de voyage ou vos vêtements spécialisés, une seule place où il faut aller, c'est identificationsport.com. On en parle avec Pierre-Luc Martin, le relationniste de la Ligue JMS. Salut Pierre-Luc. Salut Annie, ça va bien? Ça va bien. Pierre-Luc, on va parler des castors de Dolbeau d'entrée de jeu. On va voir la chronique jeudi avec David Rivard, l'instructeur adjoint. 15 victoires consécutives des castors. Est-ce que c'est un record de la Ligue Midget? Pour un record, ça, je peux pas te le confirmer, mais on sait que c'est un début de saison assez incroyable pour les Castors, 15 victoires consécutives. Moi, personnellement, ça fait une couple d'années que j'étais en Ligue, je n'ai pas vu ça encore, là. OK. C'est la première fois que je vois ça, là, mais je vais m'informer là, côté des archives, là, voir si c'est un record, là. Et c'est quoi le record, OK, donc si ce c'est serait fun les de savoir le archives. record de la Ligue, parce que là, t'sais, c'est sûr que vous ne tenez pas des archives, hein, vous n'en tenez pas, hein, puis vous faites ça à bout de bras, j'imagine, là. Mais ce serait quand même le fun Oui, de mais il y en savoir. a des archives. OK, il y en a des Il y archives. en a des archives. Ça, oui, il y en a du côté d'Allemagne, là, donc on va vérifier ça cette semaine, là. Ah, puis tu veux Puis la ça. semaine prochaine, je vais être bon pour te dire, là. OK. Pierre-Luc, donc, c'est toujours le fun pour une ligue de quelqu'une de vos équipes gagne le tournoi, hein? Oui, mais on est bien content, bien fiers d'eux, là. C'est la Ouais. première équipe qui partait en tournoi à l'extérieur, là, premier championnat. Donc, ça augure bien. Les Castors, je pense, c'est mérité aussi, là. Ouais. Donc, très bon début de saison, là. C'est mérité pour eux, puis on est très content pour eux autres. C'est une fierté pour la Ligue aussi. Ben oui, du midget 2B dans les autres régions, est-ce que la ligue midget régionale est plus forte que les autres régions? C'est dur à dire. C'est dur Ouais, à c'est dire. C'est ça. sûr qu'on le voit toujours avec les tournois. Là, le premier tournoi est arrivé pour un tournoi extérieur, donc un championnat des Castors. Oui, c'est notre plus grosse équipe aussi pour l'instant en Ligue, là. Donc, je sais que dans le passé, notre Ligue était forte, là. Dans le passé, les dernières années, là, le Saguenay-Saint-Jean est très fort là, au niveau du 2B, là. OK. Ce serait Donc, on reste à confirmer les autres équipes, là. le fun d'organiser des matchs interligues avec qui compteraient au classement. Je sais qu'il y a des tournois qui existent, mais des matchs interligues qui compteraient au classement. Ce serait le fun des équipes de Québec. Je sais que ça a passé proche à un moment donné, là, mais ce serait quelque chose Oui, de. ça passe proche. Ça fait longtemps qu'on n'entend plus parler, mais ça passe Ouais. proche. Peut-être c'est une idée qu'on peut remettre sur la table, là, puis travailler avec les autres ligues, ça plaisant aussi. Ouais. Donc, Pierre-Luc, on va y aller avec ce qui s'est passé maintenant dans les ligues midget. On va commencer avec les ligues midget Oui. régionales. Oui, dans le midget 2B, vendredi soir, seulement un match au tableau. Les Saracens étaient du côté de Saint-Félicien. Victoire des Saracens 6-3. OK. Samedi, les deux équipes de la Côte-Nord ont échangé une victoire chaque. Viking de Baie-Comeau l'a emporté 4-0 contre Sept-Îles. Et les Bases de Sept-Îles ont remporté 5-2 contre Baie-Comeau. OK. Ensuite de ça, les ambassadeurs de Chibougamau étaient ici pour deux matchs. Une défaite de 7-1 face aux Sags 2 en matinée et en soirée, défaite de 4-3 en prolongation contre les Aiglons d'Alma. OK. Ensuite, du côté de dimanche, les Aiglons d'Alma l'ont emporté 4-2 face aux Marcos Pop de Saint-Félicien. Du côté du classement, les Aiglons Oui. sont rendus en premier. C'est sûr qu'ils ont des matchs en main sur. Les Castors ont des matchs en main sur les Aiglons, deux matchs en main. Ils sont à 28 points. Suivi des Castors à 10 victoires, 0 défaites en saison régulière. À 27 points. Les Sags 2 à 8 victoires, une défaite. Les trois premiers rangs qui est assez serré. C'est les trois grosses équipes. Suivi des Sags 1 qui sont quand même assez bons. OK. Les autres, ça se partage les quatre derniers rangs. On va y aller avec ce Du qui. côté junior 2. Ouais, ben, t'as-tu des marqueurs? T'as-tu. Oui, Ouais? junior 1. Moi, quelqu'un un Oui, petit peu. On les dit tant qu'à y aller. marqueur. On voit les cinq meilleurs marqueurs de la ligue, à peu près. Oui, les cinq meilleurs. Tu as Zachary Deschênes qui est toujours en première position. Ça, c'est depuis la première fin de semaine OK. de saison des Sags 2 à 25 points. Suivi de Félix Thomas des Sags 2 à 19 points. Jacob Boulian des Castors de Dolbeau à 18 points. Un premier joueur des Aiglons là, qui s'incruste dans le top 5 depuis le début de l'année. Charles-Olivier Côté à 17 points. Suivi de David Bouchard des Sags 2 à 17 points également. OK. On y va maintenant avec Pour les cinq le premiers marqueurs. junior. Oui, le junior, seulement quatre matchs en fin de semaine dernière. OK. Vendredi soir, les Saguenay-Chicoutimi ont emporté 1-0 face aux Éperviers Normandins. Samedi, on avait deux matchs. Les Sabres de Robert ont emporté 6-2 face aux Aiglons d'Alma. Et les Marquis ont emporté 9-2 face aux Éperviers Normandins. Dans le match, Alexis Bourassa, 3-2 passes. Va pas bien pour les Les derniers matchs Éperviers. de la fin C'est de très semaine, difficile. C'est très, très, très difficile pour les Éperviers c'est samedi. difficile. Oui. Oui, c'est très difficile cette année. Là, je vous dirais que manque de joueurs, manque d'effectifs, c'est pas évident. C'est pas OK. évident. Puis, on essaie de trouver des solutions, mais junior, c'est pas toujours évident de trouver des joueurs. Non, Une non. fois que c'est commencé. Là. Ouais. Dernier match de la fin de semaine, les Marquis l'ont porté 9 à 1 face aux Aiglons d'Alma. Performance assez incroyable dans le match de dimanche. Jean-Simon Girard, 9 points, Aïe aïe. 3 buts, 3 buts 6. Ouais, 3 buts 6 passes dans le match. Donc, moi, 9 points dans un match, ça fait longtemps que je n'ai pas vu ça. Si je l'ai déjà vu, c'est une autre affaire qu'on va vérifier dans les accords pour l'an prochain. Pour la semaine prochaine. OK. Donc, Du côté du classement, ouais, vas-y. oui, classement, ça n'a pas bougé bien, bien. Marqué toujours en premier, 12 victoires, une défaite, suivi des Stags à 8 victoires, 2 défaites. Les Aiglons, les Sables, les Éperviers se partagent les 3 dernières pour le junior 2A. Et du côté des marqueurs, Jean-Simon Girard, lui, qui vient de faire 9 points, là, toujours en première position, avec 13 buts, 29 passes pour 42 points. Suivi de 4 joueurs des Marquis. C'est une domination de Marquis. Alexis Bourassa, Samuel Blanchette, Mathias Seduc et Hugo C. complètent le top 5. OK. Donc, ça fait le tour pour aujourd'hui? Ouais, ben, je sais pas si je veux savoir les matchs dans la fin de semaine Ouais, vas-y prochaine. donc, Oui, OK. Vendredi soir, un match midget 2B. Les Aiglons sont du côté du foyer des Loisirs d'Arvida pour affronter les Sags 2. OK. Et Junior 2A, les Marquis sont du côté de Chicoutimi pour affronter les Saguenay à 21h. Et les Éperviers du côté d'Alma pour affronter les Aiglons à 21h15. Samedi, Castors de Delbeau sont de retour en saison régulière pour affronter pour 2 matchs, même 3 matchs, parce qu'ils vont jouer un dimanche. 3 matchs du côté de Chibougamau, contre les Okay. ambassadeurs. Premier à 15h, deuxième à 20h et le troisième le dimanche à 14h. Les bases de cette saison sont du côté de Saint-Félicien pour 2 rencontres, un à 14h30 et l'autre à 20h. Et pour terminer, midget 2B, les 2 équipes du Saguenay s'affrontent l'un contre l'autre à 19h30 au plateau de Chicoutimi-Nord. Et au junior 2A, on a ici les Saguenay qui sont du côté de Roberval pour affronter les Sables. OK. Côté dimanche, Oui. on a les bases de cette saison sont du côté d'Alma, dans le midget 2B, à 12h30. Et pour terminer, au junior 2A, les Sables de Roberval du côté du Palais des Sports de Jonquière pour affronter les Marquis à 19h. Tu parles de Ça cette île. complète le calendrier. Tu parles de cette île, puis tout ça, là. Est-ce qu'il y a du monde à cette île pour voir les matchs? Est-ce que tu sais pas? Je peux pas. Moi, je suis jamais. Ben, je suis déjà allé dans le temps Mais que tu n'entends pas j'ai parler? coaché, là, dans le temps que j'ai coaché. Pas beaucoup. Je n'entends pas Non. beaucoup parler. Il faudrait peut-être s'informer là-dessus aussi. Ouais. Je sais que Bécomo, moi, dans le temps que j'y allais, c'était tranquille aussi. C'est les parents qui OK. vont voir Comme quelques d'habitude amis. aussi. Ouais. Ouais. Ouais, OK, mais je bah. pense que les gros des foules, là. Oui. Les gros Le des gros fous. des foules, comme je disais, là, c'est au lac. C'est au lac, là. On Ah, parle de regarde, Saint-Félicien, de sinon, Jetelbeau, on a rien que ça à puis faire, nous autres. Normandin, Roberval, là. Chougamo aussi très fort Mais c'est aussi. ça, c'est ça. Chibougamau, c'est fort, où je suis allé à quelques reprises. C'est très, très bon côté partisan. Donc, Ouais, ouais. de ce côté-là, c'est positif. OK, on s'en reparle la semaine prochaine et on rappelle que cette chronique est une commandite d'identification sport. Donc, pour tous vos besoins de sacs de voyage ou de vêtements spécialisés, un seul endroit qu'il faut aller, c'est identificationsport.com. Pierre-Luc Martin, on s'en reparle mardi prochain. Voilà, Oui, donc mardi prochain, pas de problème. c'est la chronique de la Ligue JMS avec Pierre-Luc Martin.